Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Vous l'avez peut-être entendu, d'ici la fin du siècle, le climat du sud du Québec pourrait ressembler à celui qui prévaut en ce moment dans le sud de l'Ontario. Et cela va bien sûr changer le paysage agricole. Peut-être le climat deviendra-t-il plus propice à la culture du raisin. Au Québec, la culture du raisin et la viticulture sont jeunes, mais à quand remonte la culture du raisin pour en faire du vin? Et comment ça a commencé? Alors, nous allons le découvrir avec Marie-Claude Dionne. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, François. Alors, notre curiosité pour le passé, c'est certainement pas un fait nouveau pour notre société, là. Et depuis les 100 dernières années, l'archéologie est venue à nous permettre de découvrir certaines facettes des temps anciens que l'histoire ne permettait pas de nous raconter. Et depuis les années 50, comme on l'a vu lors de mes dernières interventions à l'émission, la science ne cesse d'inventer de nouvelles techniques qui vont contribuer à avoir des nouvelles informations en archéologie. C'est vrai. Et encore plus, avec les années 80, la façon dont les restes biologiques sont étudiés a fait l'objet d'une révolution. Quand on parle d'ostéologie, d'archéobotanique et plein d'autres approches qui impliquent l'examen de la structure physique des vestiges, vont changer. En fait, c'est sûr que c'est toujours d'une importance assez vitale, mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont entrepris par des techniques où on va analyser la teneur biomoléculaire de l'artefact, et c'est ce qu'on appelle l'archéologie biomoléculaire. Et aujourd'hui, on va regarder un peu l'application de cette sous-discipline archéologique pour en connaître davantage sur l'origine du vin. Que peut-on dire de nos connaissances à l'origine du vin à ce jour? On sait globalement que l'origine se retrouve aux alentours de l'Eurasie. Donc, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas la France ni l'Espagne. Comme on serait porté à le croire d'emblée, c'est ça? Exactement. En fait, même en Amérique, on retrouve quand même des vignes, mais l'archéologie a toujours pas pu découvrir ou fournir des preuves tangibles comme quoi que les Amérindiens du passé cueillaient des raisins sauvages. Et pour ce qui est de l'Est, si on en regarde en Chine, les anciennes références du vin vont dater du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais rien avant ça. On peut penser que c'est quand même une date assez vieille, mais en fait, l'origine va être encore plus vieille que ça. Et pour ce qui est, en fait, globalement de la niche écologique de la vigne sauvage, elle va se retrouver en Arménie, en Géorgie, le Liban, l'Iran et la Turquie. Et si on veut voir à peu près une date à peu près général, là, du début, on peut croire que ça va se retrouver avec le néolithique vers 11 000 ans, lorsqu'on va avoir la technique peut-être de fermentation des raisins qui va être rendue possible ou facilitée grâce à la poterie. On peut croire que sans vaisselle, ça aurait été un petit peu plus difficile d'avoir cette possibilité-là. Effectivement. Et il y a aussi quelque chose de très mystérieux avec le vin, et il va avoir beaucoup de liens avec les religions dans le passé. On n'a qu'à penser aux Grecs qui ont vénéré le dieu Dionysos, ou c'est le dieu de la vigne et du vin et des excès, ou bien même la consommation du vin kasher dans la pratique religieuse juive qui va dater, elle, des temps bibliques. Mais on va retrouver aussi plusieurs récits étiologiques, donc des récits qui expliquent la découverte du vin chez plusieurs civilisations. Et la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est celle du roi perse Jamshid, qui va bannir éventuellement une de ses femmes de son harem et qui va causer à cette femme-là beaucoup de peine, et voire même elle va devenir suicidaire. Okay. Et en allant dans les entrepôts royaux, elle va essayer de trouver une des jarres qui est marquée « poison de sucre ». Et ce qu'on retrouve à l'intérieur, ce sont des raisins qui sont devenus pourris et qu'on ne croyait pas être buvables, on peut dire. Et elle va avoir goûté au breuvage, qui va être une sorte de boisson fermentée, et elle va se retrouver beaucoup plus joyeuse. Et là, la femme va aller voir le roi avec cette découverte-là, qui lui va tomber amoureux de cette boisson-là, et va décider de reprendre du coup la femme qui était bannie. Et par la suite, le roi va décréter que tous les raisins de son royaume, donc Persépolis, va être utilisé exclusivement pour la production du vin. Très intéressant. Qu'est-ce que l'archéologie nous a appris sur la viniculture des temps anciens? Mais les premières découvertes qu'on a en archéologie, qui démontrent une consommation du vin, ont été faites en Géorgie vers 6000 ans avant Jésus-Christ, okay. En Iran vers 5000 ans et en Grèce vers 4500 ans. Et on va même retrouver un établissement vinicole, donc c'est un lieu où il y avait des différentes étapes de production, de fabrication du vin en Arménie. C'est une découverte qui a été faite en 2007. Et sur ce vignoble-là, sur le site archéologique qui s'appelle Arénie 1, qui est trouvé dans le même village du même nom, on va retrouver des barils de fermentation, des jars d'entreposage, un pressoir à vin aussi. Et d'après l'archéologue Patrick McGovern, qui est une sommité dans la sous-discipline biomoléculaire, a déclaré que cette découverte-là, de cette ampleur-là, pouvait laisser présager que le raisin était connu depuis fort longtemps et domestiqué aussi fort longtemps. Et en plus, le site va démontrer quand même une assez grande production à grande échelle du vin. Ça veut dire aussi que les vignerons n'en étaient pas à leur début avec cette production-là. Mm-hmm. Et est-ce qu'on pourrait faire un pas en arrière? Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'archéologie biomoléculaire? En fait, c'est une analyse de vestiges archéologiques organiques. C'est une discipline qui a fait son chemin depuis les 25 dernières années. On étudie, en fait, les aliments anciens, des parfums, des colorants et d'autres matières organiques qui, avant, ne pouvaient être qu'imaginées à travers des écrits anciens, mais que maintenant, on peut détecter et même caractériser par l'application de techniques chimiques hautement sensibles, exactement. Entre autres, on peut utiliser la chromatographie, qui est en phase liquide, qui va être souvent couplée à la spectrométrie de masse. Disons simplement, la chromatographie est avant tout une technique de séparation. Donc, on va chercher à séparer des composés chimiques qui sont présents dans les liquides ou dans des solides aussi. Ça se fait aussi à l'état gazeux. Exactement. Et grâce à cette technique-là, on va pouvoir disséquer la nature de plein de choses, comme l'intérieur des jarres aussi, mais ça peut être des trucs vraiment liquides qu'on aurait trouvés. Et on se demande, en fait, le composé en tant que tel qu'on retrouve quand on n'est pas très bon en chimie, c'est là qu'on va avoir besoin d'utiliser la spectrométrie de masse qui va parvenir à identifier les molécules qui ont été distinguées par la chromatographie. Exactement. Et on va pouvoir avoir en fait un rapport de masse sur charge. Et les biomolécules qui sont étudiées par l'archéologie, c'est les grands composés organiques qu'on retrouve dans les organismes vivants normalement et qui vont être présents généralement dans un état dégradé avec la mort de l'organisme. Donc, on pense à l'ADN, les lipides, les protéines et les glucides. Dans le cas du vin, on va se retrouver avec une mixture qui est assez complexe d'eau et d'un composé organique aussi qui comprend de l'alcool, des glucides, des protéines et des tanins. Et c'est avec ces trois derniers, donc les glucides, protéines et tanins, qu'on va pouvoir procéder à la chromatographie. Et c'est d'ailleurs avec le tanin qui est plus facile à déceler la présence du vin et des raisins lors des analyses. C'est qui va rester assez stable à travers le temps et il est donc plus facile à regarder dans les tests. Mais il demeure quand même que si on retrouve des tanins ou des protéines ou des glucides qui portent à croire que c'est des raisins qu'on a dans l'objet, on n'est toujours pas sûr de la forme originelle qu'il a eue. Donc, ça peut être du sirop de raisin, du jus de raisin ou bien du vin. Quelles ont été les plus récentes applications de cette technique de l'étude du vin? Bien, aujourd'hui, c'est le Penn Museum de l'Université de Pennsylvanie qui est au premier plan pour cette technique-là, qui est d'ailleurs sous la gouverne de Patrick McGovern. Et ils ont débuté il y a quelques années, en fait dans les années 90, par l'identification chimique de la plus ancienne présence de la couleur pourpre des anciens, ou nommée aussi le pourpre tyrien, en fait qui est une couleur qui est utilisée pour teindre les vêtements par les Phéniciens vers 1500 avant Jésus-Christ. Et avec cette technique là, le labo a poursuivi en développement d'autres techniques pour identifier des boissons fermentées. Donc, le vin, la bière d'orge ou même le grog, qui est une boisson faite de rhum, souvent mélangée avec du lait chaud. Et là, cet été, en France, des chercheurs américains ont trouvé des amphores étrusques près de Latte, dans l'Hérault. Là où, il y a plus de 500 ans, on retrouvait le port de Lataran, le port romain. Et les analyses qu'on a faites sur ces trois amphores-là, ainsi qu'une plateforme de calcaire, ont révélé la présence de vin. Elles ont donc fourni les indices archéologiques biomoléculaires les plus vieux témoignant de la production et la consommation de vin en France. Et les analyses ont aussi permis de voir un composé de résine de pin, ainsi que la présence de plantes aromatiques, comme le romarin et le basilic, pour donner une petite touche dans le vin. Donc, il reste encore beaucoup à découvrir quant à la production du vin et à la domestication du raisin. La technique reste très intéressante et très prometteuse aussi pour d'autres applications, et ce, partout à travers le monde. Bien, voilà qui nous donne une image de l'archéologie fort éloignée de celle de l'archéologue qui est accroupi dans un carré de fouilles, tentant de dénicher délicatement quelques artefacts avec un pinceau. Tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, on part en pause musico-publicitaire sur CKRL au 89.1. Au retour, Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire fait le point sur les aliments biologiques.